Le sac sur l'épaule et la pipe au chapeau, tiens bon au matelot. Faut monter à bord pour se remettre à flot sur la route de San Francisco. Sur la route de San Francisco, tiens bon au matelot. Adieu la bamboche et les filles au sang chaud sur la route de San Francisco. Le vieux qui nous mène à Lévis plein la peau, tiens bon au matelot. Il dresse les bordées à coups de barre de gâteau sur la route de San Francisco. Sur la route de San Francisco, tiens bon au matelot. Avec lui on sera toujours de quart en haut sur la route de San Francisco. Jamais de repos sur la route de San Francisco. Sur la route de San Francisco, tiens bon au matelot. Mais on lui prouvera qu'on n'est pas des manchots sur la route de San Francisco.